Mes souvenirs te cherchent au fond des jours, et quelquefois j'oublie le nom des jours. Je ne vis pas puisque tu vis sans moi. Toute la ville est séparée de moi. Je suis peut-être seule à regretter. Et quelquefois j'oublie le nom des jours, mais je ne trouve plus le nom des jours. Qu'un pauvre vieux soleil de fin d'amour, un vieux soleil qui s'éclairait de toi et qui meurt.